s'étend, ton son gazon. La couche d'ozone demande pardon. Sa vieille tondeuse a effet de serre pour nos oreilles est un vrai calvaire. Aux étrons, aux étrons, aux étrons. D'eau potable du monde fond avec son boyau à ultra compression. Il va même faire pousser le béton. Gros étron, gros étron, gros étron, gros étron. Distribution gratuite de masques à gaz et de protecteurs auditifs en fin de semaine. De plus, les familles qui auront besoin d'hébergement pourront trouver refuge au gymnase de l'école locale. Prenez note, en fin de semaine, Gros Étron va travailler sur son terrain. Sur son passage, le chien sème des grottes. Gros étrons,